Il ne vous aura certainement pas échappé que dans un peu moins de 2 mois, vous serez appelé aux urnes pour départager l'une ou l'un des candidats à l'élection présidentielle. Ce qui aurait pu en revanche vous échapper, c'est le dernier rapport du GIEC, rapport dit de la dernière chance pour éviter la catastrophe climatique annoncée. Et pourtant, ces deux informations sont rarement corrélées tant la campagne en cours laisse de côté les enjeux environnementaux. Ce sera notre débat d'actualité du jour. Il sera également en question de membres de grenouilles coupées qui se régénèrent, du virus de la dengue qui modifie le comportement des moustiques et du mystère de la météorite fantôme de Kunguska. Présidentiel et environnement, régénération des membres d'Ang et Tunguska, c'est le programme roboratif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour déployer ce programme, celles et ceux qui peuvent citer par cœur de mémoire à la page et à la ligne près le dernier rapport du GIEC, et il y aura un contrôle tout à l'heure. Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Nicolas Martin, vous êtes taquin. Comme tous les vendredis, vous savez, c'est presque le week-end. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Blaise Mao. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Et bonjour Tania Louis. Bonjour. Ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes toujours l'autrice de la chaîne YouTube Biologie Tout Compris. Vous avez environ 8 minutes pour réviser vos fiches sur le rapport du GIEC. Le temps du journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue hier dans la revue Nature Astronomy, l'eau était disponible sur Terre de façon très très très précoce, peut-être même avant la Terre. Oui, depuis très longtemps. On cherche à comprendre l'origine de l'eau sur notre planète. Une équipe du CNRS montre que l'eau y était présente un peu avant sa formation, avant les accrétions des premiers blocs constitutifs de la Terre qui s'est formé il y a 4,54 milliards d'années. Les géochimistes ont étudié la météorite Efremovka, une des plus anciennes roches de notre système solaire, qui est vieille de 4,57 milliards d'années. Ils ont identifié et sondé tous les minéraux de cet échantillon et ont examiné la composition isotopique de l'hydrogène. L'hydrogène est l'un des composants de l'eau. Et ils ont obtenu deux résultats importants. Lors des 200 000 premières années de l'histoire de notre système solaire, avant la formation des planétésimaux, deux grands réservoirs de gaz existaient déjà. Un premier réservoir qui contenait du gaz solaire et un second qui contient de la vapeur d'eau. De la vapeur d'eau qui possède la même signature isotopique de l'eau terrestre. En quelque sorte, l'eau de la Terre aurait été là un peu avant la Terre. Selon une étude parue dans la revue Science, un nouveau variant du VIH circule en Europe. Une soulignée plus virulente et plus transmissible circule aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Une équipe internationale a identifié ce variant chez 109 personnes. Il s'agit d'une soulignée de la souche B du VIH qui est assez répandue en Europe et qui aurait muté. Ce variant provoque un déclin des cellules immunitaires CD4, deux fois plus rapide que la souche originelle. Ces patients ont été susceptibles de développer le sida dans les 2 à 3 ans et les porteurs ont une charge virale, une quantité de virus dans le sang, de 3 à 5 fois plus élevée. Alors la bonne nouvelle, c'est que les traitements antirétroviraux fonctionnent tout aussi bien contre ce variant, mais les auteurs appellent à réaliser plus de dépistage afin de prendre en charge au plus vite les personnes contaminées. Selon une prépublication parue sur le site Archive, pour la première fois, nous aurions détecté un trou noir isolé dans l'espace interstellaire. On sait qu'il existe des trous noirs isolés, puisque une étoile isolée peut, à sa mort, donner naissance à un trou noir. Une équipe américaine a observé pendant 7 ans, grâce au télescope spatial Hubble, une étoile isolée à plus de 5000 années-lumière de nous, dans la constellation du Sagittaire. Les chercheurs ont découvert l'existence de ce trou noir, non pas grâce au mouvement de l'étoile, mais grâce à la trajectoire de sa lumière. Ils ont repéré un phénomène de micro-lentille, c'est quand des objets massifs plie ou amplifie la lumière des étoiles devant lesquelles il passe. Il s'agirait là d'un objet de 7 fois la masse de notre Soleil et qui n'émet pas de lumière. La seule explication probable est qu'il s'agisse d'un trou noir de masse stellaire isolé. Et deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine. Comme chaque vendredi, nous essayons de mettre en avant une étude sortie de laboratoire français hier. C'est un article paru dans la revue Cancer Cell qui nous intéresse et qui décrit comment les lymphocytes tueurs accèdent aux tumeurs pour les détruire. En cancérologie, l'un des grands enjeux de la recherche clinique et fondamentale, c'est d'augmenter l'efficacité des traitements par immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un traitement basé sur l'activation du système immunitaire du patient et notamment de ses lymphocytes tueurs. Jusqu'à présent, on ne connaissait rien sur les mécanismes qui leur permettent de rentrer dans les tumeurs. Et c'est là que cette équipe toulousaine intervient. Les chercheurs ont découvert que des vaisseaux sanguins très particuliers, les vaisseaux HEV, sont en fait les portes d'entrée de ces lymphocytes tueurs. Cette étude montre que les vaisseaux HEV jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le cancer et permettent à l'immunothérapie d'être efficace. Jean-Philippe Girard est directeur de recherche INSERM à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurelle du CNRS et de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Il est l'auteur principal de cette étude. Chez l'homme, on avait observé que quand il y avait beaucoup de vaisseaux HEV, il y avait beaucoup de lymphocytes dans les tumeurs. Et chez l'homme, on peut faire que des études de corrélation, c'est-à-dire c'est l'œuf et la poule. On ne peut pas savoir si les lymphocytes sont là parce qu'il y avait les vaisseaux HEV ou l'inverse, ou est-ce que les lymphocytes auraient transformé les vaisseaux sanguins. Pour pouvoir répondre à cette question et prouver vraiment que les vaisseaux HEV sont les portes d'entrée, il faut utiliser des modèles précliniques, en fait. C'est ce qu'on a fait dans cette étude. Et là où on a une particularité, c'est qu'on est capable de filmer, en fait, on a pu filmer l'entrée des lymphocytes dans les tumeurs, donc dans les cancers, par des techniques de microscopie très sophistiquées. Et on a pu voir que les lymphocytes, en fait, au niveau de ces vaisseaux HEV, ils roulent, ils s'arrêtent, et puis ils s'infiltrent dans la paroi du vaisseau, et ils rentrent comme ça dans la tumeur. Et c'est vraiment une première mondiale. On est les premiers à voir comme ça les lymphocytes qui circulent dans le sang rentrer dans la tumeur. On ne s'attendait pas à ce qu'ils jouent un rôle exclusif. Toute l'entrée des lymphocytes dans les tumeurs se fait au niveau de ces vaisseaux HEV, qui pourtant constituent une faible proportion des vaisseaux sanguins de la tumeur. C'est 5 à 10% grand maximum. Donc c'est 10% des vaisseaux, et en fait ce sont les vaisseaux clés, là où tout se passe, où toute l'entrée se passe, ce sont les portes d'entrée. On a fait des études, on a fait une preuve de concept, en fait, des modèles précliniques, où on arrive à augmenter la proportion de ces vaisseaux, et quand on fait ça, ben on augmente l'efficacité de l'immunothérapie anticancéreuse, et on induit la régression de tumeurs qui d'habitude ne régressaient pas avec l'immunothérapie. Donc vraiment on potentialise l'effet, et c'est ce qu'on voudrait faire chez l'homme, bien entendu, mais ça va prendre encore du temps, probablement une dizaine d'années. Donc ça c'est l'application un peu à moyen long terme. À court moyen terme, l'intérêt aussi pour les cliniciens, c'est d'utiliser ce marqueur vaisseau HEV, ce biomarqueur, pour prédire en fait l'efficacité du traitement chez les patients. Parce que le problème de ces traitements, ils sont très efficaces, mais ils sont aussi très toxiques. Donc il faut l'épargner aux patients si on pense que ça va pas marcher. À l'heure actuelle, les cliniciens n'ont pas vraiment de biomarqueurs pour prédire en fait ce qui va se passer. Donc les vaisseaux HEV, dans quelques années, ça pourrait améliorer donc la prédiction du traitement. Également, Natacha, dans l'actualité des sciences cette semaine et en ultra bref. Cette semaine, on apprend que la Malaisie souhaite interdire le tabac aux jeunes générations. Le pays a annoncé vouloir mettre en place, cette année, des mesures pour interdire la vente de cigarettes aux Malaisiens nés après 2005. La Nouvelle-Zélande avait également annoncé des mesures similaires pour créer une nation sans tabagisme d'ici 2025. Alors cette semaine, on découvre que lorsque l'on voit des visages dans des objets inanimés, quand vos œufs au plat vous sourient par exemple, nous représentons ces visages comme masculins plutôt que féminins. C'est ce qui ressort d'une grande expérience comportementale avec près de 4000 personnes qui démontre l'existence de ce biais sexiste. Néanmoins, l'étude n'explique pas pourquoi nous appliquons un genre masculin à tout ce qui ressemble vaguement à un visage. Et enfin cette semaine, on découvre que les chansons folkloriques japonaises et anglaises ont évolué de la même manière. 10 000 chansons folkloriques du 19e siècle ont été passées au crible d'une IA. Alors bien qu'elles soient très différentes, l'évolution mélodique de ces chansons suit des modèles réguliers. Par exemple, les notes de musique avec des fonctions rythmiques sont moins susceptibles de changer. Cette étude prouve que la musique est soumise à des contraintes évolutives similaires à celles qui régissent l'évolution des gènes ou des langues. Ouais, personnellement, quand les yeux aux flammes sourient, c'est que la nuit a été très courte. On termine la semaine en notre rubrique de science improbable, Natacha. Selon une étude parue dans la revue Transboundary and Emerging Diseases, il y aurait une épidémie de chlamydia chez les oiseaux qui ont des nuits courtes aussi, apparemment. Alors, on sait que cette IST, cette infection sexuellement transmissible causée par une bactérie, est en progression chez les humains, pas chez les oiseaux. Alors, en Australie, dans un hôpital pour animaux sauvages, des vétérinaires ont dépisté les oiseaux hospitalisés. Plus de 500 oiseaux, hein, de 107 espèces, des cacatoès, des martins chasseurs. Résultat, un oiseau sur trois a été testé positif à la chlamydia. Certains sont même porteurs de souches qui affectent généralement les koalas. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous rencontrez des oiseaux pendant vos soirées. Vous vous protégez. Merci beaucoup, Natacha. Et bon week-end. Et bon week-end surtout. Et bon zoo plat. Allez, on passe à l'actualité de la semaine. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et oui, dans l'actualité cette semaine, également dans l'actualité scientifique, eh bien, la campagne présidentielle accélère. On parle ralliement, logement avec le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Les candidats de droite sont allés dérouler leur programme sécuritaire devant le syndicat de police Alliance. Mais côté climat, une fois de plus, ça ne débat ni ne propose pas grand-chose, à tel point que 1400 scientifiques ont signé cette semaine une tribune sur le site de nos camarades de France Info pour dénoncer ce silence, cette absence de prise à bras-le-corps d'un enjeu qui, si on en croit le dernier rapport tout récent du GIEC, est crucial. L'appel, dont certains de ses signataires sont d'ailleurs des membres du GIEC, appelle de toute urgence les politiques et les médias à sortir de l'inaction. Ce n'est pas la première tribune de ce genre, puisqu'il y a quelques semaines, ce sont des journalistes scientifiques, des confrères de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information et une autre association, l'AJE, l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, qui signait une tribune similaire sur le site reporter.net. Journalistes, nous devons mieux couvrir la crise écologique. Mais voilà, tribune après tribune, ces appels peuvent-ils contribuer à alerter les candidates et les candidats ainsi que les médias à changer de braquet et à faire de la question environnementale un véritable enjeu de cette élection? C'est la question dont nous allons débattre aujourd'hui avec mes camarades de ce vendredi. Je vous laisse écouter le montage réalisé par Olivier Bétard. Je pense qu'il parle de lui-même. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on achète du fabriqué en France. Et peu importe quelle est la nationalité de l'entreprise, mais que l'entreprise, elle soit chez nous. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique est une réalité dans la vie de chaque Français. Et que si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il faut acheter du produit local. De toute façon, le changement climatique est commencé. Il est irréversible. Statistiquement, tous les 12 000 ans, il y a une vague de très grand froid, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le réchauffement va produire le froid. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Tout est réuni pour que ça tourne très mal. Et il n'y a rien qui semble montrer qu'on arrête. Je considère que nous sommes déjà le pays qui a le plus faible taux d'émissions de gaz à effet de serre dans les grands pays. Donc, si vous voulez, je trouve ça bien déjà que les Américains et les Chinois commencent. Je ne pense pas que la France toute seule puisse changer quoi que ce soit. Le dérèglement climatique aujourd'hui, chacun peut le ressentir. On le voit en permanence à la télé ou on le subit quand il s'agit des inondations, des canicules, des sécheresses ces dernières années. Mais c'est aussi un modèle économique qu'il faut adapter, qu'il faut transformer justement pour s'adapter. Il faut sortir du déni. Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Yannick Jadot. Si je souhaitais que nous débattions ou si je souhaitais que nous adressions cette question, c'est parce qu'une fois de plus, hein, ces tribunes que je citais s'adressent directement à nous, les journalistes, et pas uniquement aux politiques. J'en viens à vous proposer cette question. Quel est notre rôle aujourd'hui en tant que journaliste, en tant que média d'information scientifique, dans l'information scientifique et dans l'information également en regard avec cette élection présidentielle? Est-ce qu'il y a quelque chose à mieux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à mieux faire au niveau des rédactions dans lesquelles on travaille? Quel est votre sentiment personnel, Olivier Lascar, par rapport à cela? Alors effectivement, d'abord un constat que cette année encore, avec l'élection présidentielle, ça n'imprime pas hein, ce sujet. On peut se dire que finalement, rien de neuf sous le soleil, parce que ça n'a jamais imprimé, hein, ça n'a jamais été un thème de prédilection de nos politiques pour les élections présidentielles. Je crois que le meilleur score d'un candidat écolo, c'était Noël Mamère, il avait dû faire 7%. Aujourd'hui, Yannick Jadot... En 2002, aujourd'hui, Yannick Jadot est pronostiqué à 5%, donc ça vole pas bien haut. Entre 5 et 8, ça dépend des sondages, et il reste encore un peu de temps, mais effectivement. Donc c'est un sujet qui ne semble pas intéresser nos politiques pendant ce grand événement qui est le moment important de la démocratie française, qui est l'élection présidentielle. Peut-être parce que il y a quelque chose dans cette élection qui est de l'ordre de la verticalité, hein, on choisit le grand chef à plume, alors que les démarches qui sont de l'ordre de l'écologie se caractérisent par une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que c'est un travail de terrain, c'est la démocratie participative, c'est des initiatives locales. Donc peut-être qu'il y a une forme aussi d'incompatibilité entre les actions qui peuvent être mises à l'ordre du jour réellement pour avoir une démarche qui est de l'ordre de l'amélioration des conditions environnementales et ce qu'est l'élection présidentielle. Vous pensez que finalement les deux seraient relativement incompatibles, que le travail environnemental et écologique relèverait finalement de la politique locale et moins des grandes impulsions nationales qui sont censées être portées par le ou la chef de l'État ? Oui, j'ai cette impression-là. On a l'impression que c'est au niveau des. Il y a un rôle des régions qui est de plus en plus important sur ces questions-là. Ça, c'est à une certaine extrémité du spectre. À l'autre, c'est au niveau de l'Europe que les questions se jouent. Et entre les deux, la situation de l'État devient de plus en plus floue. Hein. Quelle est la marge de manœuvre sur ces questions-là d'un président de la République ? On peut vraiment se poser la question, finalement. Blaise Mahault, votre sentiment à ce propos ? Parce que je le rappelle, hein, encore une fois, dans ces deux tribunes, de scientifiques d'une part et de journalistes de l'autre, nos confrères de la JSPI, je tiens à vous dire que je ne suis signataire d'aucune de ces deux tribunes, même si je les approuve globalement, mais je suis membre de la JSPI, et qui disent, voilà, que nous arrive-t-il ? Journalistes, nous devons mieux couvrir la crise écologique, le travail médiatique n'est pas à la hauteur de la catastrophe écologique. Ça rappelle des mots, par exemple, d'Aurélien Barraud, qui dit, aujourd'hui, toute personnalité politique qui ne fait pas de l'environnement son combat principal passe à côté de la catastrophe climatique que nous sommes en train d'engendrer. Ça devrait être la priorité numéro un. Et on voit bien que ça n'est non seulement pas la priorité numéro un, mais que c'est un thème qui est à peine évoqué par le candidat écologiste, bien sûr, par quelques candidats de gauche et encore. Et bref. C'est des questions qui sont complexes, on le sait. C'est des questions qui sont parfois anxiogènes, les enjeux écologiques, climatiques, ça c'est vrai aussi. C'est des questions qui transcendent les clivages politiques traditionnels. Et malgré ça, c'est des questions qui intéressent les Français. Je regardais le dernier sondage Ipsos du 19 janvier. À la question « Quels sont les thèmes que vous voulez voir traités prioritairement dans cette campagne ?» On a 33% des Français qui répondent à la crise environnementale. Ouais. Juste derrière la crise sociale, mais devant les questions d'identité. Ils citent plus l'environnement qu'ils ne citent la pandémie, qu'ils ne citent la délinquance, les retraites ou même le chômage. Donc ça intéresse les Français. Ouais. Nous, on a fait une étude dans le nouveau numéro d'Uzbek Erika avec l'Institut Via Voice, un observatoire des identités, sur cette question de la citoyenneté. Ils nous disent 44% d'entre eux considèrent que personne ne défend les idées qui sont essentielles à leurs yeux. C'est un chiffre colossal. Et sur le traitement médiatique, pour vous répondre, 61% qui disent que les sujets les plus fréquemment traités par les médias ne sont pas ceux qui leur semblent les plus intéressants. Il faut se souvenir, on parlait du GIEC tout à l'heure, le rapport du GIEC a été présenté, je me rappelle très bien, par Valérie Masson-Delmotte, ça devait être le 9 août ou le 8 août, oui, le jour de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Ouais. Et on a bien vu que le traitement médiatique, alors il a été là, mais il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû et de ce qu'il aurait pu être s'il n'y avait pas eu ce transfert. Et je trouve que cet exemple, il résume bien notre discussion du jour. Après, je pense qu'il y a quand même des leviers pour agir. Effectivement, la question climatique n'a jamais été un enjeu de campagne présidentielle. En 2007, quand même, il y avait eu le pacte écologique porté par Nicolas Hulot, sur lequel les candidats avaient été obligés de se positionner. Et les trois quarts d'entre eux l'avaient fait. Donc il y a peut-être encore des leviers citoyens dans les deux mois qui viennent qu'on peut actionner en plus des pétitions et en plus du traitement médiatique. Daniel, votre sentiment Oui, mais en fait, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que le sujet climatique est complexe. Est-ce que globalement, les sujets complexes sont bien traités dans cette campagne présidentielle et dans les médias généralistes de façon plus large que la crise climatique ? C'est-à-dire que cette campagne présidentielle, mon sentiment de citoyenne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petites phrases et de déclarations à l'emporte-pièce. Et sur le climat, c'est pas de ça dont on a besoin. Donc en fait, ça ne me manque pas que le climat ne soit pas traité d'une mauvaise façon. Et le problème, c'est que pour le traiter correctement, bah, il faudrait du temps, il faudrait dérouler des contenus compliqués, même en termes de vulgarisation. Donc, moi, j'interviens ici en tant que vulgarisatrice, hein, je ne suis pas journaliste, mais des gens qui produisent du contenu vulgarisé intéressant sur le climat, il y en a. Hein. Je vous conseille la chaîne du Réveilleur sur YouTube, par exemple. On va la partager immédiatement sur YouTube. Ce sont des vidéos qui durent quasiment une heure. Parce que quand les sujets sont compliqués, il faut du temps pour s'y intéresser et pour bien les comprendre. Et je ne suis pas sûre que cette chronologie-là et cette temporalité-là soient très compatibles avec la façon dont on traite la campagne présidentielle. C'est l'un des éléments de la chronique qui est signée notamment par Valérie Masson-Delmotte de 1400 scientifiques et qui dénonce un problème notamment lié justement à la complexité et la réduction des débats. Je cite la Tribune, il est sans doute plus commode de réduire les débats sur les nécessaires transformations structurelles à un affrontement entre partisans du nucléaire et défenseurs des énergies renouvelables. Pourtant, Olivier, rendre le complexe accessible, c'est notre métier, particulièrement en tant que journaliste scientifique. Donc, est-ce qu'on rate quelque chose ? Alors, sans faire poser forcément la responsabilité sur les personnes autour de cette table, mais enfin, vous voyez, non, ça n'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas en parler. Donc, quel est le biais ? Comment faire pour rendre ces questions-là, malgré tout, intéressantes et pour donner aux citoyennes et aux citoyens des moyens d'agir, des moyens de penser, des moyens de comprendre justement la complexité de l'action à mener pour lutter contre ce réchauffement climatique. D'abord, on sait bien tous que on parle des journalistes en général. Les journalistes en général, ça n'existe pas. Hein. Y a les médias dans lesquels ils travaillent et à l'intérieur de ces médias, il y a les sillons que creusent les journalistes en question. Or, les journalistes scientifiques sont une espèce en voie, sinon de disparition, en tout cas de grand danger. Elle est peu présente dans la presse généraliste, elle est peu présente dans les médias dominants, ceux qui donnent le là constamment. Il y a des chaînes de télé en continu qu'on peut ne jamais regarder. On est obligé de savoir ce qui se passe quand on va sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous avez cité cette journée consacrée à la médiatisation de la question scientifique à laquelle vous avez participé, je crois, il y a quelques jours. C'était intéressant, je trouve, parce que il y avait les usual suspects habituels, les gens qu'on connaît tous, mais il y avait aussi quelqu'un de BFM, par exemple. Mais Céline Pigalle, tout à fait. C'est intéressant de savoir si les gens de BFM, de CNews, de ces médias-là, ont maintenant un regard rétrospectif sur le rôle qu'ils ont joué ou qu'ils n'ont pas joué pendant très particulièrement à la crise du Covid, et les vecteurs sur lesquels ils pourraient jouer pour améliorer la chose. Parce que le gros problème, il vient quand même de là. Il vient de ces médias qui sont extrêmement du tout info, ouais, des médias tout info. Des médias tout info qui, eux, ne vont pas traiter ces sujets-là. Qui les traitent par ailleurs, mais qui les traitent de façon marginale. On ne peut pas dire qu'ils les traitent pas. Voilà, extrêmement à la marge. Donc, il faut quand même faire cette différence. Parce que moi, je veux bien battre ma coulpe, etc. Mais c'est l'idée de dire que l'environnement, ça fait chier tout le monde. Hein, parce que c'est un peu ça, l'idée. Que ça fait peur à tout le monde, que ça angoisse tout le monde, que c'est pas vendeur, que c'est pas des sujets porteurs, contrairement aux sujets classiques que sont notamment les sujets de sécurité, d'identité, dont on voit bien qu'ils sont encore aujourd'hui très polarisateurs du débat public, Blaise Mao. Mais ça, je pense que c'est pas vrai. Non, mais alors certainement. Il faut voir les. Alors comment est-ce qu'on fait changer ça? Comment est-ce qu'on fait se rendre compte aux directrices et aux directeurs de rédaction de dire ça n'est pas vrai, l'environnement, ça intéresse et ça peut être un sujet porteur et un sujet de débat. Je pense qu'il y a un autre signal qui montre que c'est pas vrai, c'est le succès de librairies d'essais ou de fiction autour du climat. On a eu un exemple récent avec la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur, c'est le Monde sans fin, c'est ça. Qui est très commenté, très contesté aussi, mais qui nourrit, je trouve, un débat au-delà des cercles de spécialistes de l'énergie. Et une thématique comme l'énergie, alors on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait et de l'urgence, mais je trouve qu'une thématique comme l'énergie, même si c'est un débat sur le nucléaire, elle a quand même émergé un peu. Elle commence à émerger un peu dans cette campagne. On a vu cette semaine l'actualité autour de la reconnaissance du nucléaire ou du gaz comme énergie verte, si tant est que ce concept existe. Par la Commission européenne. C'est quand même un sujet qui a été largement traité, même par les médias tout info, et je pense que ça infuse, lentement mais sûrement. Ça infuse aussi chez les candidats. Il y a encore une ou deux élections, à part le candidat écologiste, personne ne parlait d'écologie sur l'échiquier politique, même à gauche. Aujourd'hui, même Valérie Pécresse parle d'écologie, de progrès, de solutions. Mélenchon parle de planification écologique. Enfin, le mot écologie, même si c'est des éléments de langage, c'est imposé aussi. Donc je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu le verre à moitié plein. Et et se rendre compte que ces débats-là sont quand même plus traités qu'avant. Mmh. Même des journalistes qui font de la vérification d'infos, du fact-checking, le font de plus en plus sur des thématiques comme le nucléaire, comme le renouvelable. Je vais faire de la corrélation qui tâche un peu, mais néanmoins, parce que Tania, vous évoquiez justement ces vulgarisateurs ou vulgarisatrices qui traitent la question d'environnement sur des formats un peu plus longs, etc. Il y avait une enquête justement ce matin qui montrait une fois de plus, comme on le sait déjà, mais qui le montrait avec des chiffres, que les jeunes disent se désintéresser de plus en plus de la politique, avec moi ce chiffre qui m'a fait un peu frémir, puisque selon cette enquête, qui n'est qu'une enquête, donc évidemment à prendre avec toutes les précautions d'usage et les précautions épistémiques dont nous sommes usuels ici, auxquelles nous sommes habitués, disons 43% des jeunes personnes interrogées ne se disent pas capables, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, pour se définir de droite ou de gauche. C'est-à-dire quasiment 1 sur 2. Or, on sait bien que les plus jeunes générations sont globalement plus sensibles aux problèmes climatiques. Est-ce que là, il n'y a pas justement quelque chose, une disjonction qui permettrait de se dire, ben voilà, vous voulez récupérer ou intéresser les jeunes, parler des choses qui les concernent directement au premier chef? Alors, il y a une chose qui me paraît très claire, c'est que l'écologie, dans l'absolu, ce n'est ni de droite ni de gauche. Bien sûr. Même si je déteste cette expression. Mais de fait, ça ne rentre pas dans les cases politiques auxquelles on est habitué. C'est quelque chose de complètement transversal, dont, dans l'absolu, n'importe quel candidat pourrait s'emparer. Mais si on se met à la place des candidats, je conçois que ce ne soit pas forcément très vendeur de prendre le risque de dire, écoutez, nous sommes face à une crise terrible, il va falloir changer profondément la société pour y faire face. Ça ne veut pas dire revenir à la bougie et toutes les caricatures qu'on entend habituellement, mais il n'empêche que face à une crise d'ampleur, il faut une réaction d'ampleur. Et c'est quelque chose qui est très difficile à porter politiquement, ça demande beaucoup de courage. Il y a des chances, peut-être qu'un candidat qui arrivera avec un message comme ça, justement, mobiliserait les jeunes générations qui ne se sentent pas représentées, qui ne se positionnent pas sur l'échiquier politique classique. Mais quelque part, je peux comprendre que personne n'ait encore eu ce courage-là, parce que c'est quand même difficile et très éloigné des habitudes. Blaise Mao, un mot de conclusion. Juste un petit complément sur les jeunes. Les manifestations pour le climat, les Fridays for Future, ils se sont arrêtés en grande partie à cause du Covid. Et ça fait 2 ans que les mobilisations physiques se sont ralenties, mais elles continuent en ligne. Je crois qu'il y a de nouvelles manifestations qui sont prévues pour le mois de mars, d'avril. Ce mouvement-là va reprendre aussi pendant la campagne. Donc les jeunes ne sont pas non plus complètement désintéressés de la question environnementale et en particulier climatique. Je pense qu'on est effectivement déjà un peu avancé dans la campagne, mais il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Eh bien, espérons que ces questions et ces enjeux climatiques seront de véritables enjeux de débat. Il reste encore 2 mois, tout n'est pas perdu. Gardons espoir. I'm the only frog from Texas. Be by death, hopped up here. Yes, mom. Going away soon, baby. I'm the horny frog from Texas. I just hopped up here. Yes, I left Texas to have a good time. I believe I'll go back there. Babe, I know you're wondering how I live in a heart of love. Yes, mama, hear me singing, baby. I know you're wondering how I live in a heart of love. Babe, I will live anywhere before I'll be your dog. Yeah, baby, tired of bumping my belly for you. Yes, mama, hear me singing right now. Hey, baby, tired of bumping my belly for you. Yeah, you said that you love me. Now look what you made me do. Big Bill Brunzi, Horny Frog, à 16h30 sur France Culture. Voilà, après les oiseaux, les grenouilles. Décidément, c'est une émission thématique. L'histoire ne dit pas, en tout cas, si les grenouilles étaient horny. Ce que l'histoire raconte, et c'est une première scientifique qui ouvre des perspectives vertigineuses, c'est que des grenouilles amputées d'un membre ont vu ce membre repousser, Blaise, grâce à un cocktail de médicaments, ce qui effectivement ouvre des perspectives bien pour lutter contre les amputations assez vertigineuses, y compris pas immédiatement, mais à terme pour les mammifères et les êtres humains. Absolument, on va parler cuisse de grenouille, pas pour vous ouvrir l'appétit, mais effectivement parce qu'il y a eu cette expérience assez incroyable, réalisée par une équipe de chercheurs de l'université Tufts de Boston et de l'institut Weiss de Harvard, donc paru dans la revue Science Advances, c'était la semaine dernière, le 26 janvier, très exactement. Et ils ont réussi à faire donc repousser les pattes de grenouilles amputées. Alors d'abord, pourquoi cette expérience est très commentée? Parce que les grenouilles, en fait, sont pas connues pour faire partie du club très sélect et très fermé des espèces dont les membres peuvent repousser. Club dans lequel on retrouve quelques reptiles et lézards. Hein, mm-hmm. Dont on sait bien que quand leur queue est coupée, elle peut repousser après avoir été sectionnée. Les étoiles de mer, dont les bras peuvent repousser, les poissons zèbres et les salamandres, fascinantes, capables de se refabriquer une patte, un museau, un œil ou même un peu de moelle épinière en réveillant des mécanismes qui étaient endormis en fait depuis le stade embryonnaire. Oui. Pas de grenouilles dans cette liste, ou plus exactement pas de grenouilles adultes, car en fait les têtards sont capables de faire repousser un membre, mais ils perdent cette capacité une fois devenus matures, adultes. Et c'est là que l'expérience de nos chercheurs de Tufts et Harvard est intéressante, puisqu'elle a concerné justement une population de 115 grenouilles africaines adultes, hein, l'espèce Xenopus laevis. Alors comment ils ont fait, le procédé est assez étonnant. On appelle les Xenoplis. Oui, absolument. Et qui ont du coup une proximité avec l'être humain, parce que apparemment au stade embryonnaire, au stade fœtal, on perd aussi petit à petit des facultés de régénération qui disparaissent une fois qu'on grandit et qu'on... Absolument, ces grenouilles adultes, elles présentent ce qu'on appelle un renouvellement tissulaire modeste, peu de réserves de cellules souches pluripotentes comme nous, en fait, comme les humains, et un déclin de leur capacité de régénération au fil du temps. Plus l'âge passe, plus elles perdent cette capacité. Elles passent d'un état qui est entièrement régénératif à un état dégénératif, et c'est exactement comparable à l'homme, où on a ce phénomène. Dans les premières années post-natales, les humains ont une certaine capacité d'auto-régénération, hein, par exemple si on a un accident, un bout de doigt sectionné, et on perd petit à petit, ça se réduit cette capacité-là. Je vais y revenir. En fait, les chercheurs, ils ont posé un capuchon en silicone à l'extrémité des pattes arrière de nos grenouilles africaines, juste après leur amputation, hein, elles étaient évidemment endormies pour l'expérience. Cette espèce de pansement, en fait, un peu comme un pansement protecteur en forme de dôme, ça permettait de créer l'environnement sain pour que la guérison s'opère. Et surtout, il y avait en fait ce qu'on appelle un bioréacteur, c'est un hydrogel constitué de protéines de soie et avec le fameux cocktail de médicaments, 5 molécules régénératives, ce qui a permis de réduire l'inflammation, ce qui a permis de stimuler la croissance des vaisseaux sanguins, des muscles et des fibres nerveuses, et surtout d'inhiber la production de collagène, ce qui est très important, puisque le collagène favorise la formation de cicatrices. Ça, c'est vraiment un point essentiel de l'expérience, puisqu'en fait, quand une blessure normalement cicatrise, elle se recouvre de cellules de peau qui protègent des infections, mais qui empêchent la reconstruction du membre, sa reconstitution. Là, le patch stérile, en fait, a permis de créer l'environnement comparable un peu à du liquide amniotique. C'est ce qu'expliquent les chercheurs, un peu comme le liquide amniotique pendant la gestation, ce qui a stimulé, en fait, le processus de régénération. Ils ont installé ça seulement 24 heures, et après, ils l'ont retiré. Les pattes ont repoussé, et au bout de 18 mois, les pattes des grenouilles étaient en état assez bluffant. Il y en a 75%, hein, trois quarts des grenouilles qui présentaient même un renouvellement formé avec une structure aussi complexe qu'avant, que ça soit au niveau des os, au niveau des muscles ou au niveau des nerfs. Elles pouvaient nager comme avant. Et c'est ça qui est assez invraisemblable dans cette expérience, c'est que donc c'est un traitement extrêmement local, c'est-à-dire que l'ambition, ça n'est pas d'aider au fur et à mesure et d'accompagner la croissance et la régénération du membre. C'est juste d'interrompre le cycle de cicatrisation et de permettre aux cellules de se remettre dans l'état de reproduire ce qui a été perdu. Exactement. Alors il y a eu plusieurs. Je peux rentrer dans le détail. Il y a eu trois groupes tests hein, de grenouilles. Certaines ont eu juste le petit dôme sans le cocktail médicamenteux, sans les molécules. Et là aussi, ça a permis, en partie la reconstitution du membre. Donc ça veut dire que déjà le fait d'isoler favorise la guérison et le cocktail de molécules a effectivement empêché cette génération de collagène qui referme en fait très vite les plaies ou les moignons en l'occurrence. Et évidemment, bah, ça ouvre des perspectives pour les personnes amputées humaines. Alors on n'en est évidemment pas encore là, mais ça suscite quand même quelques espoirs. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a environ 1,5 million de personnes chaque année qui sont amputées quand même. La plupart à cause d'accidents, mais aussi de formes de diabète parfois graves où on est touché aux extrémités. Au niveau mondial, je crois que c'est 65 millions d'êtres humains qui vivent aujourd'hui avec une amputation, dont 64% dans les pays en développement. Donc c'est quand même pas négligeable. Et effectivement, on le disait au début, il y a cette proximité qui laisse espérer à terme, peut-être une adaptation de ce bioréacteur, en tout cas un test sur l'homme. C'est pas le cas tout de suite. Hein. Il est évolutif, hein, ce bioréacteur qui a été testé sur les grenouilles. Mais prochaine étape, c'est évidemment de passer à des petits mammifères. Hein. On va pas s'attaquer tout de suite à l'humain. On va passer à la souris. Voilà, le processus classique. On va passer à la souris. Un des auteurs de l'étude dit ceci: nous ne sommes certainement pas prêts pour les tests sur les humains tout de suite, mais je pense que cette expérience est une étape importante sur la voie d'une éventuelle application clinique. Moi, j'étais vraiment effectivement assez surpris. Tania, un mot, hein, une réaction à cette étude? Oui, moi aussi, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de travaux faits sur les poissons zèbres, oui, qui sont quand même déjà très éloignés de nous. Là, on arrive sur les grenouilles avec un dispositif temporaire à changer le processus de cicatrisation. C'est quand même assez incroyable. C'est ça qui est fou. C'est que le truc reste vraiment 24 heures et qu'ensuite, ensuite, petit à petit, au bout de 18 mois, les membres repoussent. Alors, les membres repoussent, ils repoussent pas exactement à l'identique. Exactement. Peut-être qu'on peut préciser ça, Blaise. Oui, il y a quand même. C'est intéressant. Ouais, ouais. La forme est pas parfaitement reproduite, hein. Même quand les grenouilles ont eu le cocktail complet, hein, le fameux groupe test complet. Il y a une légère forme de moignon, hein, le design, on pourrait dire, de la pâte n'est pas optimal, mais les structures sont vraiment toutes là. Elles sont fonctionnelles. Et ça fonctionne, elles peuvent nager aussi bien, d'après c'est ce qu'assurent les chercheurs, hein, de Tufts et Harvard, aussi bien qu'avant. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a eu des expériences menées, enfin, des espoirs plutôt autour de la stimulation électrique, autour des biomatériaux pour guider les tissus, ou la transplantation de cellules progénitrices et de la régulation directe. Mais là, c'est vraiment, ça paraît plus simple puisqu'on est sur un déploiement sur 24 heures, très localisé. Après, la limite, c'est la taille. C'est-à-dire qu'on parle de pattes de grenouille. Ouais. On sait que sur une queue de salamandre ou sur une patte de salamandre, c'est des toutes petites surfaces et ça met quand même un an et demi à se refaire. Mmh. Alors, imaginez sur un bras humain. Ne serait-ce que sur un doigt, c'est voilà, déjà beaucoup. Oui. Même sans faire de juste une projection mathématique un peu simpliste, on se rend compte que voilà, sur un doigt humain, ça serait déjà une autre échelle. Oui. Tania, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, simplement, en restant sur cette question d'échelle, le fait que ce soit un dispositif temporaire et relativement simple fait qu'on peut avoir l'espoir que les résultats sur les souris arrivent quand même relativement rapidement, c'est-à-dire pas dans 10 ans. Absolument. Eh bien, on suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. On va passer au deuxième dossier de ce vendredi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. La dengue est un fléau qui coûte la vie à 1 million de personnes chaque année, qui s'étend du fait du réchauffement climatique et de l'extension de la zone de reproduction du moustique tigre, aujourd'hui présent dans 59 départements français tout de même, et ça continue année après année à s'étendre au nord. Or, une étude, Tania, vient montrer un élément important de compréhension de diffusion de cette maladie. Le virus lui-même changerait le comportement des moustiques qui le portent. C'est dingue. Oui, c'est complètement fou. Je vous ai piqué non, ce jeu de mots. Je ne pouvais pas. Il fallait le faire. Bon, allez-y. Donc, c'est une publication qui date, elle aussi, du mois de janvier. Une collaboration entre des chercheurs de Singapour et des chercheurs de Montpellier. Et l'article est en accès libre, si vous voulez aller le regarder. Il y a notamment des vidéos qui sont assez sympathiques à la fin. Et on va les mettre tout de suite, évidemment, comme d'habitude, sur notre fil Twitter. Donc effectivement, la dengue est ce qu'on appelle un arbovirus, c'est-à-dire un virus transmis par des arthropodes, en l'occurrence par les moustiques, du genre Aedes. Donc le principal vecteur, c'est le nom qu'on donne aux des insectes, dans ce cas-là, qui servent d'agents de transmission. Le principal vecteur, c'est Aedes aegypti, mais on retrouve aussi Aedes albopictus, le fameux moustique-tigre, qui est maintenant présent en France métropolitaine, mais par contre, en Outre-mer, ça fait longtemps qu'il y a de la dengue en France. N'oublions pas nos Outre-mer. Bien entendu. Et effectivement, c'est un virus qui peut causer des symptômes assez graves. Bon, de base, les symptômes les plus courants, c'est l'équivalent d'un syndrome grippal un peu plus violent qu'une grippe, quand même, avec déjà un petit peu d'hémorragie. Mais il y a une forme hémorragique de la dengue qui, elle, peut être mortelle et qui fait des morts tous les ans dans le monde. Concrètement, la moitié de la population humaine est exposée en termes de zone géographique où on trouve les moustiques qui transmettent la dengue. Et c'est clairement le virus transmis par les moustiques le plus répandu aujourd'hui sur Terre. Et on peut rappeler aux citadins, puisqu'on en parlait dans l'émission il n'y a pas très longtemps, que la dengue fait partie de ces maladies qui peuvent se compliquer, qui se compliquent de plus en plus potentiellement quand on la réattrape, parce qu'on n'est pas immunisé totalement. Et la dengue, vous pourrez le raconter peut-être, mais produit des anticorps facilitants dont on a parlé un petit peu pour le coronavirus et pour le COVID-2, qui font que la deuxième dengue peut être plus grave potentiellement et donc mortelle après la première. C'est ça. En fait, il y a quatre types de dengue différents, des sérotypes, si vous voulez le mot compliqué. Mais bon, quand on veut le mot compliqué. Voilà, des toujours. Sérotypes de dengue, numérotés de 1 à 4, de façon très originale. Et quand on en attrape un, on est ensuite immunisé contre celui-ci. Mais par contre, on a plus de risques de faire des formes graves des autres. Parce que parmi les cellules infectées par la dengue, il y a les cellules du système immunitaire. Et en fait, le fait de reconnaître le virus facilite l'infection des cellules du système immunitaire par le virus au lieu de faciliter l'action du système immunitaire contre les autres souches de dengue. Et c'est un problème parce qu'en fait, on n'a pas de traitement symptomatique, pas de traitement spécifique de la dengue, c'est juste des traitements symptomatiques. Paracétamol et de l'eau. Oui, et beaucoup d'hydratation, effectivement. Ouais. Et par contre, il y a un vaccin, un seul, qui est un Sanofi Pasteur, voilà, pour une fois, le dengue vaxia, et qui a exactement le même inconvénient que le virus, c'est-à-dire que pour une personne qui a déjà attrapé la dengue, c'est un vaccin très intéressant. Pour une personne qui ne l'a jamais eu, ça risque de favoriser les formes graves en cas de confrontation avec le virus. Donc c'est un vaccin qui est donné que dans des cas très spécifiques, quand on sait que la personne a déjà été exposée à la dengue, ce qui limite un petit peu son intérêt. D'où l'intérêt des chercheurs pour l'étude du moustique, du vecteur lui-même, puisque pour l'instant, en fait, c'est le principal mode de prévention de la dengue qui existe, c'est essayer d'empêcher que le moustique transmette cette maladie. Et j'aime beaucoup cette étude, parce que vraiment, je trouve que les chercheurs ont été hyper persévérants et ils ont combiné des approches très différentes dans leur article. Donc leur premier point de départ, c'était de voir est-ce que le virus influence le comportement de piqûre du moustique. Parce que concrètement, en fait, la dengue est transmise avant que le moustique prélève du sang. Parce que quand un moustique pique une personne contaminée et s'infecte, le virus se multiplie dans l'organisme du moustique jusqu'à arriver aux glandes salivaires. Et en fait, quand un moustique nous pique, je ne rentrerai pas dans les détails de ce processus qui est extrêmement compliqué et visuellement douloureux pour moi. pour moi aussi, croyez-moi. Mais concrètement, il injecte sa salive avant de prélever le sang. Et c'est cette salive contaminée qui transmet la dengue. Donc un moustique peut totalement transmettre la dengue sans avoir pris de votre sang. Ça se passe avant en termes de processus. Et d'ailleurs, le virus se répand dans la peau plus que dans le sang. Voilà. Et donc là, il y avait des données sur le rôle, l'impact du virus sur le comportement des moustiques, mais qui était assez contradictoire. Et donc, les chercheurs ont eu beaucoup de patience. Ils ont infecté certains moustiques avec la dengue. Il y en a d'autres qu'ils n'ont pas infectés. Et ils les ont mis dans un superbe dispositif qui est constitué d'une structure transparente avec des espèces d'étuis à moustiques rectangulaires d'un centimètre de côté, avec un tamis fin comme une moustiquaire sur le dessus, sur lequel ils ont posé une souris anesthésiée pour servir de proie aux moustiques. Et ils ont filmé ça avec une caméra haute résolution et suivi pendant une demi-heure le comportement de chacun des moustiques. Donc ils ont suivi une cinquantaine de moustiques infectés, une cinquantaine de moustiques non infectés. Et ils ont annoté toutes ces demi-heures de vidéos de moustiques pour voir l'entièreté du changement du comportement. Donc est-ce que les moustiques se déplacent? Est-ce qu'ils vont plus voir la souris? Est-ce qu'ils enfoncent plus ou moins profondément leur pièce buccale dans la souris, etc. Au total, ils ont suivi à peu près 80 paramètres comportementaux, donc je ne vais pas vous faire la liste, mais en gros, c'est à peu près 10 fois plus que dans les précédentes études qui s'intéressaient à l'impact du virus sur le comportement du moustique. Donc c'est vraiment conséquent. Donc ils ont annoté leur séquence vidéo et ils ont fait un algorithme d'analyse de ces 80 paramètres comportementaux pour essayer de distinguer des différences entre les moustiques infectés et les moustiques non infectés. Et ce qui en ressort, c'est que globalement, les moustiques infectés par la dengue sont plus attirés par la souris, à la fois à courte distance, dans le dispositif qu'ils avaient utilisé avec leurs petits étuis où les moustiques étaient physiquement déjà proches, mais aussi dans des cages plus grandes, de 30 cm de côté, où là, avec des signaux qui sont différents, puisque les moustiques n'utilisent pas les mêmes signaux à courte et à longue distance, les moustiques infectés étaient aussi plus attirés par la souris. Et en plus de ça, l'efficacité de piqûre des moustiques diminuait, ils trouvaient moins facilement les vaisseaux sanguins, et ils piquaient plus, parce qu'en fait, au final, ils se nourrissaient aussi bien que les moustiques aient été infectés par le virus ou non. Sauf que les moustiques infectés, au lieu de piquer une fois et de se gorger de sang, piquaient plusieurs fois pour réussir à se gorger de la même quantité de sang. Bon, là, on voit déjà tout de suite que ça peut avoir un impact sur la contamination, cette histoire. Parce on comprend. Si les moustiques porteurs de virus sont plus attirés par les animaux à sang chaud, globalement, les Aedes piquent surtout les humains, hein, donc sont plus attirés par nous et piquent plus de fois, c'est autant d'occasions de transmission. Bon, bah, les chercheurs ont vérifié ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris des moustiques infectés et ils leur ont fait piquer successivement différentes souris. En l'occurrence, ils leur ont fait piquer 3 souris à 10 minutes d'intervalle. Et ils ont constaté qu'effectivement, les 3 souris étaient infectées. Donc, c'est pas juste une perspective théorique. Un moustique infecté par la dengue, quand il pique plusieurs fois, peut transmettre le virus plusieurs fois. Et donc, les chercheurs ont ensuite fait des calculs pour voir à quel point ça modifiait le risque. Et ils se sont rendus compte qu'en combinant ce comportement d'attraction par l'animal à sang chaud et de multiplication des piqûres, le fameux R0 de transmission de la dengue était multiplié d'un facteur 3. Le taux de réplication. C'est ça. Donc, c'est ça. Multiplié par 3, ça veut dire que voilà, une personne infectée, enfin un moustique infecté en infecte 3. Et ça explique d'ailleurs, pour penser à nos camarades en Outre-mer, très chères personnes qui vivent en Outre-mer, et qui fait que la dengue se transmet généralement d'un seul coup dans le foyer en entier. Oui. Et du coup ça résonne avec ce fait qu'il sait que tout le monde sait que à partir du moment où quelqu'un attrape la dengue dans une maison, en général tout le monde l'attrape. C'est ça. En fait, une des choses que les chercheurs discutent à la fin de leur article, c'est justement que ça pourrait permettre d'expliquer pourquoi il arrive qu'un foyer tombe malade d'un en coup. Même temps. Voilà, oui, c'est ça. Alors qu'on pourrait se dire qu'un même moustique ne va pas contaminer 5 ou 6 personnes. En fait, si. Et est-ce qu'il y a des perspectives justement de recherche ou en tout cas des applications qui permettraient justement de contrer un peu la transmission de la dengue? En fait, pour l'instant, on en est au stade des hypothèses pour essayer de comprendre l'origine de ces modifications de comportement. Et en fait, il s'avère que dans le moustique, la dengue a un effet sur l'expression des gènes au niveau des organes sensoriels qui leur servent à repérer notamment les vaisseaux sanguins et sur la composition de la salive qui est en fait le lubrifiant de la piqûre et que cet effet à la fois sur les organes sensoriels et sur la salive qui leur sert à piquer pourrait expliquer que les piqûres soient moins efficaces. Ensuite, comment est-ce qu'on peut appliquer ça pour réduire la probabilité de transmission? C'est encore une autre question. Mais mieux on comprendra ce qui se passe dans le moustique, plus il sera facile d'essayer d'intervenir à cette étape-là de la transmission de la maladie. Et on vous a bien entendu mis le lien vers cette publication en accès libre et vers ces vidéos, si vous voulez. C'est une occupation tout à fait honnête pour un vendredi soir de passer sa soirée à regarder des vidéos de moustiques qui piquent la peau des souris en très gros plan. Je vous assure, j'y ai passé quelques heures la nuit dernière. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour finir ce dernier dossier de ce vendredi, par celui qui, en 6 ans de participation à la méthode scientifique, s'est progressivement et imperceptiblement mué en Alain Decaux des sciences. Aujourd'hui, mon bon Olivier Lascar, vous nous racontez l'étrange mystère de la météorite invisible de Tunguska. Oui, je ne vais pas prendre l'intonation parce que c'est dommage. Nos plus jeunes auditeurs, de toute façon, ça ne signifierait rien pour eux. C'est un super reportage. Alors vraiment, c'est un super reportage. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc je peux le dire. C'est un super reportage à retrouver dans le dernier numéro de Science et Avenir, celui qui est en ce moment chez tous les marchands de journaux, qui est signé d'une journaliste qui est installée à Moscou, qui s'appelle Estelle Levresse, et qui est allée sur le site de Tunguska, donc cette météorite qui est tombée au début du XXe siècle, c'était en 1908, et c'était le 30 juin 1908, à 7h14 du matin, une terrible déflagration qui valait 20 fois la superficie de Paris, c'est-à-dire 2200 km², qui détruit 60 millions d'arbres, une catastrophe à échelle hollywoodienne. Ça, c'est Don't Look Up avant l'heure, mais avant la télé et avant Internet. Alors, notre journaliste, Estelle Levresse, elle nous en reparle maintenant parce que, d'une part, elle a eu la possibilité d'aller dans la réserve de Tunguska. C'est devenu une réserve protégée aujourd'hui. Hein, c'est pas facile d'accès. Il a fallu... Elle prend l'hélicoptère pendant 40 minutes. Elle nous raconte tout ça. Et là, dans la taïga, il faut s'aventurer dans des petits chemins pour cheminer jusqu'à l'endroit de l'épicentre qui garde encore plus d'un siècle plus tard les stigmates de la catastrophe. Hein, il y a des endroits où la terre est cramoisie, il n'y a plus d'arbres. Alors, il faut cheminer. Elle raconte qu'elle est avec des gardes forestiers qui portent la Kalachnikov pour se prémunir des attaques d'ours. C'est extrêmement épicé. Et si elle en parle, c'est aussi parce qu'il y a une nouveauté scientifique à cette affaire. Parce que depuis plus de 100 ans, il y a un mystère Tunguska. On ne sait toujours pas exactement ce qui nous est tombé sur le coin du nez, et on ne sait toujours pas, puisqu'il n'y a pas de traces racontées de cette histoire. C'est une histoire absolument passionnante qui a donné lieu à un merveilleux épisode de X-Files. Alors, on va spoiler, a priori ce ne sont pas des extraterrestres, mais il reste un point d'interrogation, mon cher Olivier Decaux. Oui, la piste extraterrestre, elle est évidemment pas plausible, mais enfin, elle est devenue culturellement importante, parce que en Russie, c'est devenu mythique, légendaire. Hein. Il y a des récits autour de la Tunguska, et il y a notamment un bouquin célèbre là-bas, qui date de 1936, qui s'appelle L'île brûlante, où l'auteur imagine que la Tunguska est due au crash d'un vaisseau extraterrestre doté d'un moteur atomique. Alors, si il y a tellement de gamberges, c'est parce que, justement, on ne trouve pas, on sait qu'il y a un épicentre, parce qu'il y a un endroit où c'est plus cramé qu'ailleurs. En revanche, on n'a pas trouvé de débris de météorites. Il devrait y avoir des débris de météorites et il devrait y avoir une sorte de, comment dirais-je, de cuvette, enfin, d'impact, de zone, de cratère. De cratère. Et de cratère, il n'y a point. Alors, il y a un scientifique russe qui est intimement associé à cette affaire, qui s'appelle Leonid Kulik, qui s'est posé la question assez rapidement, mais enfin, il n'a pas pu aller sur site avant une vingtaine d'années. Hein. Minéralogiste, effectivement, il y va 19 ans après l'événement. Donc il y va, il cherche des traces de... Et il trouve rien. Donc l'affaire, comme ça, reste entre chien et loup pendant des années et des années. L'histoire de Kulik est géniale, parce qu'il organise trois expéditions. Il a une intuition, c'est de dire qu'à un moment donné, il y a une zone marécageuse, et il fait assécher ce marécage pour essayer de retrouver le cratère en dessous, mais il n'y a rien. On imagine la déception terrible, parce que pour faire, à l'époque, assécher un marécage au milieu de la taïga, à 5000 km de Moscou, voilà. Ouais. Je pense que ça devait être une sacrée paire de manches. Et ça marche pas. Il finit tragiquement, parce qu'il est appelé sur le front pour la Seconde Guerre mondiale. Il veut y aller. Il a 58 ans, il aurait sans doute pu y couper, mais il veut y aller et il contracte le typhus et il meurt en 1942. Donc sa disparition, c'est aussi un frein à l'étude scientifique de la catastrophe de la Tunguska, parce qu'il faut que d'autres personnes prennent à bras-le-corps, hein, il n'y a pas une actualité folle sur le sujet, donc il faut attendre encore quelques années. Il y a, à la fin des années 50, il y a à nouveau des expéditions qui sont faites sur le terrain, et aujourd'hui, il y a une publication scientifique qui est faite par un chercheur russe, enfin l'équipe d'un chercheur russe qui s'appelle Sergueï Karpov. Le papier, il a été publié en 2020 dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Et ce papier dresse l'hypothèse qui permet d'expliquer comment la catastrophe de la Tunguska est compatible avec l'absence d'impact et de débris. Alors, parce que il y a un des éléments qu'on a oublié de donner qui est absolument merveilleux, c'est que dans les récits, hein, parce que dans le village proche de l'endroit où s'est produit cette déflagration, les gens ont perdu connaissance. Enfin, c'est devenu un récit. Il y a toute une mythologie qui s'est créée et qui s'entremêle justement avec les travaux de Kulik. Mais aujourd'hui, alors racontez-nous quelle est l'hypothèse qui est aujourd'hui remise en cause ou proposée en tout cas par ce papier publié l'année dernière. Juste très rapidement. Oui. y a une petite fille d'un des témoins de l'époque qui raconte les récits de son grand-père dans le papier de Science et Avenir. Elle dit qu'on lui répétait qu'il y avait une chaleur si forte que les gens voulaient jeter leurs vêtements, il leur semblait qu'ils brûlaient. C'était terrible. Imaginez un arbre qui tombe, c'est bruyant, mais toute la taïga, ça doit être effrayant. Mmh. Alors aujourd'hui, en 2020, il y a ce papier qui sort, et ce papier, explique que ce qui a pu se passer, c'est que l'astéroïde qui est arrivé sur la Terre, ne s'est pas écrasé sur la Terre. Cet astéroïde aurait traversé l'atmosphère de part en part pour faire une sorte de vol plané au-dessus de la Tunguska, suffisamment proche à 10 km d'altitude. Pour, en raison de la chaleur phénoménale que le phénomène dégage, tout cramé sur son passage, mais elle ne s'est pas écrasée. Elle rentre dans l'atmosphère, elle survole la Tunguska, elle ressort de l'atmosphère et elle continue son bonhomme de chemin dans l'espace. Alors, on parle d'un gros objet. Hein. On parle d'un gros objet et d'un objet métallique. Oui, on parle d'un gros objet. Le scientifique russe Sergueï Karpov explique que, alors tout ça a été modélisé. Hein, ils ont fait travailler les ordinateurs pour essayer de tester différents diamètres. Il explique qu'on a testé des objets, qu'ils ont testé des objets de 50, 100 ou 200 mètres de diamètre. Et c'est la météorite de 200 mètres de diamètre qui est compatible avec son scénario. Donc il faut. C'est un mammouth, quoi. 200 mètres, c'est très très gros. Et alors, le problème, c'est que les modèles fonctionnent relativement bien, mais ça ne résout pas le problème de l'épicentre. Non, ça ne le résout pas, et ça ne résout pas la trace, la forme qui a été laissée au sol, qui a en gros, c'est assez poétique, a une forme d'aile de papillon, apparemment. Il faudra aller voir sur Google Maps d'ailleurs, si c'est vrai. Mais ça ne résout pas. Donc il y a encore un débat. Le scientifique russe lui-même dit ça, je n'arrive pas à répondre à cette question. Et c'est l'argument sur lequel les autres scientifiques qui ont été sollicités par la journaliste de Science et Avenir pour ce papier disent oui. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être qu'il faut encore chercher d'autres explications au mystère de la Tunguska. Parce que, en l'occurrence, ça expliquerait en tout cas le fait qu'on ne trouve ni cratère, ni petit débris à côté, parce que cette forêt de Tunguska, elle a été passée au panier fin, il n'y a vraiment rien du tout. On n'a pas trouvé de composition isotopique différente du sol, il n'y a rien, quoi. Non, il y a rien, et c'est pourquoi ce mystère est tellement prégnant. Et le scientifique russe a une jolie formule à la fin du témoignage qu'il donne à Science et Avenir. Il explique que de nombreux livres ont été écrits sur ce phénomène, et que lorsque les enfants, explique-t-il, prennent ces livres en main, ils veulent comprendre par eux-mêmes, ils commencent à s'intéresser à l'astronomie, aux sciences, à la physique. Et si la solution est trouvée, tout sera expliqué, il n'y aura plus de livres. C'est la fin de l'histoire et c'est quand même dommage. Ce serait effectivement dommage. Il y a ensuite évidemment l'hypothèse selon laquelle il serait passé en rase-motte, il aurait lâché quelque chose qui serait peut-être encore aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça n'est plus dans la méthode scientifique. Un mot pour conclure à la une donc du Science et Avenir ce mois-ci, Olivier. Alors gravitation, la théorie qui dépasse Einstein, et c'est le numéro 900. Ah bien, joyeux 900e anniversaire. Le numéro 34 de Uzbek Erika. Tout à fait, en librairie et sur abonnement, toujours avec un gros dossier sur la maintenance, un autre gros dossier sur les nouveaux paysans et une interview croisée passionnante entre Philippe Huneman et Sylvie Catelin sur les conditions de production de la science. Avec ce titre qui me plaît beaucoup, et si on arrêtait d'innover, ça pourrait être une bonne idée. Tania, est-ce qu'il y a des choses à voir bientôt sur dans Biologie tout compris? Alors sur ma chaîne à moi, non, mais sur la chaîne Avid de recherche, je poste une vidéo par mois depuis octobre pour présenter des articles en sciences humaines et sociales. Et le dernier parle d'archéologie sous-marine pour reconstruire l'itinéraire de commerce des vins gaulois. Ben magnifique, on va mettre tous ces liens sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus discuter et débattre à ce micro. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Grégory Wallon à la technique, et comme toujours, La Méthode Scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France. En réécoute sur le site franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.